Merci, mais je ne m'appelle pas Nicolas. Merci, mais je ne m'appelle pas Nicolas. Tiens, justement, ça en est où cette super idée? Hein? Pourquoi? Nous, on en a deux. Ah, bah super! Alors les enfants n'auront rien, si j'ai bien compris. Super! Bravo! Génial! Merci l'ambiance! Merci l'équipe! Merci le staff! Merci! Toi, rien! Toi, rien! Viens, viens, Tuki, on y va. Viens, viens, Tuki, on y va. Le maire était bizarre.